Bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélien et cette semaine on se retrouve pour un nouveau coup de cœur et je vais vous parler d'un manga super connu, j'ai nommé Berserk. Donc Berserk, c'est littéralement une série de mangas mythique. Quand on lit un petit peu des mangas, on se doit de connaître cette série. Donc c'est un savant mélange, si vous voulez, d'action, de dark fantasy, d'horreur, de montagne de cadavres que le héros laisse derrière lui, et d'un tout petit poil, mais vraiment tout petit poil de hentai. Il y en a une petite page ou deux, mais vraiment perdu. Donc ce manga, si on veut faire une sorte de timeline dans notre monde, on pourrait le situer à l'époque du Moyen-Âge, où il y avait toutes les chasses aux hérétiques, les croisades, et tout le bazar là. Mais bon, revenons à notre manga. Berserk raconte l'histoire de Guts, un héros surpuissant, qui a une épée qui fait littéralement 15 mètres de long, enfin, excusez-moi, 16. Non, en vrai, je dois faire 2 bons mètres de long, mais c'est déjà énorme pour une épée, si je ne m'abuse. Il a une mystérieuse marque au cou, et quand il met du sang dessus, il devient super puissant. Et il recherche, en fait, il tape des démons pour rechercher un super grand démon pour lui littéralement lui casser la gueule pour... on sait même pas trop pourquoi, en fait, au début. Là, je fais littéralement le récit du premier tome, hein, parce que je suis au tome 15, donc je suis un peu plus avancé dans l'histoire. Mais en gros, ça se passe comme ça. Arrivé le tome 7, vous avez l'âge d'or, où on voit l'enfance de Guts. Faut savoir que, c'est, en fait, de base, c'est une troupe de mercenaires qui l'a trouvé en bas d'un arbre. Lui, il était par terre, vous voyez. Il y avait toute sa famille qui était pendue dans l'arbre, et lui, il était là. Toute sa famille était morte. C'était super joyeux. Et après, il se passe plein d'aventures. Donc, on voit comment il grandit. L'âge d'or dure 10-15 tomes. Il y a un événement qui met fin à l'âge d'or, et on revient... Enfin, je pense, dans ce qu'on a dit au début du manga, c'est-à-dire le temps présent, parce que j'en suis en plein dans l'âge d'or. Et bon, on va pas du tout dire que la trame de l'histoire est super répandue, même si je pense que c'est un peu un des mangas qui a lancé la trame, puisqu'il est assez vieux, puisqu'il date de 1999. Enfin, pour un manga, je dis bien, c'est assez vieux. Il y a actuellement 40 tomes, mais les tomes ont un rythme de publication très lent, car l'auteur, il veut... affiner ses planches, on va dire, vraiment faire quelque chose de qualité, de qualitatif. Et ça marche, hein, littéralement, parce que ce manga jouit d'une énorme popularité. Si vous voulez, rien qu'au Japon, dans le monde, il a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Et au Japon, ça a plus de 20 millions. Donc c'est déjà des quotas assez élevés pour une série de manga. Et il a été adapté en série, évidemment, même si l'anime ne comporte que l'âge d'or, qui est très court en réalité, hein, elle fait à peine 10 tomes, et elle comporte 3 ou 4 films à côté que je n'ai absolument pas vu, donc je ne pourrais pas juger de ça. Là je vous parle exclusivement du manga et de l'anime, parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est tordu si vous voulez, mais j'ai commencé à lire un manga, j'ai lu l'âge d'or en anime, et j'ai fini l'âge d'or en anime. Mais franchement si vous avez dans les plus de 15 ans quand même, parce que c'est déconseillé moins de 15 ans on va dire, je vous le déconseille personnellement. Si vous aimez un peu vraiment la bagarre, les temps anciens, parce que ça se passe aux temps anciens, les démons et compagnie, franchement, vous allez aimer ce manga parce qu'il réunit toutes ces choses. Si vous aimez tout ce qui est dark fantasy et compagnie, si vous aimez aussi les héros qui sont pas totalement gentils, parce que Guts a beau être le héros, c'est pas comme ces mangas japonais traditionnels, on va dire, où vraiment c'est les héros qui sont tout gentils, totalement cons, très gentils, les méchants, très méchants. On va dire que les méchants, des fois, ont une part de gentillesse, et Guts, le héros, est pas toujours très sympa. Hein. Des fois, c'est vraiment. Et ce manga porte aussi, des fois, à réfléchir à la noirceur de l'âme humaine, si vous voulez, de par le fait où il aborde des thèmes. Un peu grave, mais d'une manière assez dissimulée, si vous voulez. Ça, ce manga est destiné à un public assez mature, quand même. Confiez pas ce manga à des gamins de 10 ans, ils comprendront rien, ils trouveront ça nul. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Donc cette série de mangas comporte actuellement 40 tomes, et elle est éditée chez les éditions Glénat. Sur ce, ma foi, je vais vous laisser, et je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, je vous présenterai un roman du nom de Vigilante. Voilà. Je vous en parlerai, c'est un roman de science-fiction sur fond d'anticipation, on va dire. Voilà. Bon, bah, c'est Aurélien. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Radio Gamozo. Et à la semaine prochaine!